Le mot pour dire prêt est listo. Listo. Donc, je suis prêt, pour un homme, c'est... Estoy listo. Bien. Donc, listo, c'est prêt. Oui, listo. Hein? L-I-S-T-O. Et vous, comment diriez-vous « je suis prête » ? Estoy lista. D'accord. Dites-le encore une fois. Estoy lista. C'est ça. Donc, estoy lista, si vous êtes une femme, et estoy listo, si vous êtes un homme. Et comment diriez-vous « êtes-vous prête » ? Está lista. Está lista, en effet, c'est ça. Si vous posez la même question à un homme, êtes-vous prêt ? Está listo. D'accord, hein? Está listo. Et à quelle heure allez-vous être prêt ? À quelle heure ? À qué hora ? À qué hora allez-vous être prêt ? Allez-vous ? Bah. C'est bien. Bah. Être. Estar. Oui, c'est ça. Estar. Prêt. Listo. Très bien. A qué hora va estar listo ? Et si vous adressez la question à une femme, à quelle heure allez-vous être prête ? Qué hora ? À quelle heure ? Ah. A qué hora ? Oui, à qué hora allez-vous être ? Bah. Bah. À qué hora bah être prête ? Estar lista. C'est ça. À quelle heure va estar lista ? Comment direz-vous à quelle heure est-ce que ça va être prêt ? Et je vous rappelle qu'ici le ça ne se traduit pas. À quelle heure va être estar listo ? Bien. À quelle heure va estar listo ? Donc, bah, ça peut vouloir dire à la fois il va, elle va, ça va. Et aussi, vous, usted, allez faire quelque chose. Oui, tout ça se dit bah, ba-a, bah. Donc, je veux savoir à quelle heure ça va être prêt, parce que j'en ai besoin et je dois l'avoir aujourd'hui si c'est possible. Alors, je veux savoir. Quiero. Savoir. Saber. D'accord. Quiero saber. À quelle heure ça va être prêt ? Alors, à. Que. Hora. À quelle hora ? À quelle hora ? Ça va être prêt. Bah. Estoy. Estoy, c'est je suis. Comment dit-on être ? Estar. Estar. Bah estar. Bah estar, oui. Prêt. Listo. Ici, quelle est la syllabe sur laquelle on doit insister à l'oral ? Ah oui, celle d'avant. Listo. Listo, oui. Parce que j'en ai besoin. Porque necesito. Comment dit-on « je le veux » ? Quiero. Je le veux. Lo quiero. Lo quiero. Et j'en ai besoin. Lo necesito. Lo necesito. Donc, encore une fois, parce que j'en ai besoin. Porque lo necesito. D'accord. Porque lo necesito. Et je dois l'avoir aujourd'hui. Et. I. C'est ça. Je dois. C'est-à-dire, j'ai A, il faut que je... Oui. Tengo. Tengo que. C'est ça. Tengo que. Hein, je dois. Et avoir, c'est... Tener. Oui. Tener. Exact. Hein. Donc, l'avoir, c'est... Tenerlo. Bien. Tenerlo. Aujourd'hui. Hoy. Hoy. Si c'est possible. Si. Si. C'est possible. Et est-ce possible ? D'accord. Si est-ce possible. Alors, encore une fois, je veux savoir à quelle heure ça va être prêt. Alors, quiero saber a qué hora va estar listo. Uh-huh. Quiero saber a qué hora va estar listo. Parce que j'en ai besoin. Porque lo necesito. Porque lo necesito, hein, necesito, et je dois la voir aujourd'hui, si c'est possible. Et se dit... Ah oui, y. Y, oui. Je dois la voir aujourd'hui, si c'est possible. Tengo que tenerlo hoy, si es posible. Très bien. Quiero saber a qué hora va a estar listo, porque lo necesito y tengo que tenerlo hoy, si es posible. ¿Cómo direz-vous? ¿Pouvez-vous me dire quand est-ce que ça va être prêt? ¿Pouvez-vous me dire? Puede decirme. C'est ça. Puede decirme quand. Cuando. Cuando ça va être prêt. Va a. Va. Ah oui. Va. Va, c'est ça, être prêt. Estar listo. C'est ça. Puede decirme, pouvez-vous me dire, cuando, quand, va a estar listo. Ça va être prêt. Puede decirme cuando va a estar listo. Et je veux savoir à quelle heure la traduction va être prête. Parce que j'en ai besoin aujourd'hui, si c'est possible. Je veux savoir... Quiero saber. Quiero saber, oui. À quelle heure? À que hora? La traduction va être prête. La traduction? Le son on n'existe pas en espagnol. Hein. Je devrais entendre le N final, dont c'est traduc... traduction. Hein? Traduction. Traduction. Donc, la traduction va être prête. Va estar listo. Oui, sauf que c'est la traduction. Donc, va estar... lista. Lista. D'accord. Quiero saber a qué hora la traducción va a estar lista. Parce que j'en ai besoin aujourd'hui, si c'est possible. Porque... Parce que, hein, porque, oui, j'en ai besoin. On parle de la traduction. Hein. Lo necesito. C'est de la traduction que vous avez besoin. La traduction. La necesito. La necesito, tout à fait. Hein? La necesito, porque la necesito aujourd'hui. Hoy. Bien, la necesito hoy. Donc, quiero saber a qué hora la traducción va a estar lista, porque la necesito hoy.